cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de CKIA et auditeurs de Puissance Maximale, ce magazine radiophonique hebdomadaire que vous pouvez écouter sur les ondes, je l'ai mentionné, de CKIA, c'est ce que vous faites présentement, et peut-être que vous pouvez le reprendre par les radios communautaires, plusieurs radios communautaires au Canada qui nous diffusent, quelle que soit la radio que vous écoutez. Également, bien, d'habitude, on a l'émission sur notre site Internet, elle va revenir dans quelques jours, tout simplement, des petits problèmes, et vous allez pouvoir nous réécouter de nouveau sur notre site Internet. Les émissions vont être remises sur le site à chaque semaine. Puissance Maximale, comme je le dis, c'est bien un site Internet au www.puissancemaximale.com sur lequel vous avez également des nouvelles et vous avez nos contacts pour nous envoyer des courriels et nous émettre vos commentaires par rapport à l'émission qu'on vient de faire ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute. Vous ne vous gênez pas pour nous en faire part. Nous lisons vos courriels à toutes les semaines. Et une émission bien chargée aujourd'hui. Je suis en compagnie de mes comparses de la Puissance Maximale. François Gécouillard à la console. Salut Vincent. Salut François. Alors aujourd'hui, François, on va faire un tour à Montréal et un peu d'actualité. C'est ça, on va rejoindre Chantal Campagna, jadis du Valet de cœur. Elle a quitté l'entreprise, donc quand même, elle va nous parler de nouveautés jeux plateau et puis on va parler un peu d'actualité dans le domaine du jeu. Actualité ludique. Et nous avons Michael Michaud cette semaine avec nous. Salut Michael. Salut les gars. Et Michael, de ton côté, tu vas nous faire deux chroniques différentes aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler? Oui, aujourd'hui, je sors du Japon pour faire une petite chronique rétro board game. On va parler du jeu Atmosphere et aussi on va parler d'un jeu sur PC qui s'appelle Mount & Blade. Mount & Blade. Et moi, de mon côté, bien sûr, si le temps nous le permet, je devrais être bon pour vous faire ma critique ou en faire mon commentaire sur Kinect Joyride. Vous savez, la semaine passée, on a parlé justement du fameux Kinect qui est sorti sur la Xbox. J'avais testé quelques jeux à l'époque, au moment où c'est sorti, et là, je vais vous parler de Joyride, qui est le jeu de course automobile. Vous allez voir un petit peu plus tard de quoi ça a l'air. Mais on va débuter, comme d'habitude, en musique. On va écouter une pièce tirée du nouvel album des Frères Goyette, donc un sympathique groupe de Trois-Rivières qui font dans le vidéo, dans la musique, tout ça. Ils font aussi du bricolage pendant leur spectacle. Quand vous allez les voir jouer, là, ils font vraiment du bricolage. La dernière fois que je les ai vus, ils ont fabriqué une porte en carton et en bois pour le prochain amphithéâtre de Québec. Donc, merci à eux pour la belle porte. Et puis, on va écouter une pièce. L'album s'appelle « Rencontre du troisième âge » et la pièce, c'est « Pin Floy ». Vous écoutez « Puissance maximale ». En bas de laine dans le gazebo, tout est tout ralenti. Ma liqueur est de tout repos, ma job a fait de moi un martyr. En cette belle nuit d'août, le ciel est beau, pas de nuages. Pas personne dans les entourages, mais pas un chat, pas un manou. Je crois que seul un matamor pourrait briser ma peut-être qu'une gang de motards pourrait casser mon focus. Une gang d'Holden pourrait mettre de l'eau dans le manche. Ah oui, je m'ordonne. spéciaux. Au loin, j'entends les jappements, un bruit de poubelle qui vole au vent. Coup d'œil rapide vers le nord, je vois une surprise de taille. Des perles brillent dans mon ciel, c'est le plus beau des Joel. Un chapelet de couleurs brille et attise ma quiétude. Une maudite grosse lumière fait sur moi son focus. J'ai peine à croire ce que je vois, serais-je tombé dans le punch? Une autre civilisation semble vouloir me chanter la pomme. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Monsieur Fall, qu'on a rencontré il y a exactement 2 ans de cela, vraiment un personnage sympathique, trictracnet sur Internet, vraiment un gars qui travaille sur le monde du jeu de plateau et bien d'autres choses. Et nous avons Michael Michaud ici à Puissance Maximale pour nous parler premièrement de jeu de plateau. Et là, tu parles d'un jeu là, qui date. Oh oui, quand même. Quand ça est sorti, en fait, c'est sorti en 1991, la première édition. 91, ça s'appelle 20 ans. Ça s'appelle Atmosphere. C'est un jeu d'origine australienne. Enfin, en Australie et dans ces régions-là, ça s'appelait Nightmare. Mais quand ils ont voulu l'éditer en Europe et aux États-Unis, ben, c'est un peu effrayant, mais Nightmare. Non, il y avait déjà un jeu qui s'appelait comme ça. Ah, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle Atmosphere. Excellent jeu de mots. Ouais, un excellent jeu de mots. Et là, on se rappelle, Atmosphere, donc c'est une cassette. Là. Ouais, c'est ça, c'est un jeu interactif, entre guillemets, où il faut, pendant qu'on joue, il y a une cassette, il y a une VHS qui joue. Puis il y a de l'interaction à faire avec le personnage. Il y a un personnage à la télé qui va nous donner des ordres pendant le jeu, quoi faire. C'est un thème. Pas d'horreur, mais un peu de thriller, un peu que ça soit épeurant. Mm-hmm. Ok, à notre âge, je l'ai pas du tout. Mais... même quand j'étais adolescent, la première fois que j'avais joué... T'avais ri? Un peu, ouais. Mais ce qui est le fun dans ces jeux-là, il faut embarquer quand même. Même si il y a quand même l'atmosphère. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. On est en gang, puis on... C'est ça, ils disent dans le jeu, baisser les lumières, monter le son. Puis le son, c'est super important parce qu'il y a plein de trucs reliés, genre faire des sauts aux gens. il y a des trucs à faire par rapport au son, c'est okay. que ça aide à créer justement cette atmosphère-là. Même avec la seule bande VHS, le son faisait qu'il y avait une atmosphère assez développée. Quand même, le son était assez fait pour qu'on aille la chienne. parce que des fois, disons, dans la première édition, qui est le Seigneur des Clés, parce que dans les éditions originales, il y a 4 jeux. En fait, il y a le jeu principal qui est le Seigneur des Clés, donc où vous retrouvez le plateau, les pions, tout ce qu'il faut pour jouer, les cartes. En fait, ce que la boîte contient, vous avez la cassette qui dure 60 minutes. Le jeu ne peut pas dépasser 60 minutes. Okay. Parce qu'il faut dire que vous jouez contre les autres joueurs, mais aussi contre le personnage qui est à la télévision. Dans le sens où si vous ne réussissez pas à battre le jeu, c'est lui qui gagne. Oui. Il n'y a personne. Ça fait qu'il faut... T'sais, vous pouvez avoir l'esprit de compétition, vous jouez un contre l'autre, mais finalement, quand vous arrivez vers la fin, vous voyez que si j'ai de l'aide des autres, vous pouvez essayer de vous entraider pour pouvoir battre le personnage à l'écran. Donc, on peut battre le personnage en équipe. Ouais, on peut être tous vainqueurs si on veut. C'est ça. OK. Mais donc, c'est difficile dans un esprit de compétitivité. Mais là, vous pouvez quand même vous mettre des bâtons dans les roues, surtout au début, là, si vous voulez être sûr de gagner. Là. C'est que vous avez, c'est ça, 60 minutes maximum. C'est qu'une partie, c'est maximum une heure. Vous avez des différentes cartes. Les cartes temps, vous tirez ça. Il y a un temps sur la carte qui correspond à un temps que vous allez pouvoir retrouver parce que le personnage, à un moment donné, disparaît. Il arrête de vous parler. Puis vous avez juste un chrono qui monte de 0 à 60 minutes. Là, vous avez le temps exact et vous tirez des cartes. Disons que vous arrivez à 1 minute 26, il y a un truc que vous pouvez faire. D'accord. Donc, disons, à 30 minutes, criez très fort et tous ceux qui font un saut remettent toutes leurs cartes destin dans le paquet. Des trucs du genre. C'est que vous avez, dans d'autres versions, c'est si de telle heure à telle heure, s'il y a quelqu'un qui insulte le personnage à l'écran, prenez-lui ses clés. Des trucs du genre. Mais le but, en tant que tel, du jeu, c'est récolter des clés. Vous avez 6 clés de votre couleur que vous devez récupérer pour pouvoir vous prendre le chemin central du plateau pour aller chercher des cauchemars. Les cauchemars, en fait, c'est qu'il y a des cartons cauchemars et quand vous commencez la partie, vous devez mettre votre pire cauchemar sur le carton puis vous mettez ça dans le milieu. Ouais. C'est quand vous allez arriver au milieu, si vous réussissez, si vous tirez un carton puis c'est pas votre cauchemar, vous gagnez. Si c'est le vôtre, vous êtes éliminé du jeu. OK. Si vous êtes assez rapide pour vous rendre dans le milieu. Le but ultime, c'est ça. C'est que toute la planche, en fait, c'est comme un cimetière. Les cases où on va tomber, c'est des pierres tombales. Puis pour accéder au chemin central, ça nous prend toutes nos clés. Donc, vous avez 6 personnages qui sont tirés de personnages mythiques, un peu du domaine de l'horreur. Donc, vous avez Khufu la momie, qui vient dans la 4e dynastie des pharaons. C'est un personnage qui a déjà existé. Vous avez Elizabeth Bathory, la vampire, qui aurait été une comtesse, justement, qui se baignait dans le sang des vierges, regardez sa jeunesse. Vous avez le baron Samedi, le zombie, qui est de culture, je pense... Europe de l'Est, sûrement? Non, même pas, je pense, c'est haïtien. Ah! Ouais, c'est vaudou, en fait, c'est ça. Okay. C'est de culture vaudou. Vous avez Anne de Chantraine, la sorcière, qui a été brûlée au Moyen-Âge. Elle, c'est une sorcière. Elizabeth Bathory, c'est la vampire. Okay. Vous avez le seul personnage qui n'a pas existé, c'est Hélène, qui est un poltergeist qu'ils ont inventé pour le jeu. Vous avez Gévaudan aussi, qui est un loup-garou. Okay. Qui peut se ramener à la région de France à une certaine époque où il y avait... Là, au niveau jouabilité, je sais pas si j'ai perdu quelque chose. Vas-y. Tu me dis, la cassette, on met la cassette... On peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter, mais il y a rien qui se passe à l'écran. L'écran, jusqu'à temps que... Vous allez avoir... OK, parfait. Mais il y a des pauses parfois. Ouais, c'est des ça. Des pauses voulues dans le tape. Quand vous voyez le timer à l'écran, ça veut dire qu'il faut jouer. OK, vous c'est bon. Vous pouvez vous déplacer. Dès que le personnage arrive à l'écran, il faut arrêter. OK, c'est beau, parfait. Puis habituellement, il s'adresse à la personne qui va jouer. À qui de jouer, il faut lui répondre. Si on lui répond pas, on est banni. Ce qui est banni, vous avez 2 cases sur la plaque de jeu, qui c'est la fosse commune. Puis il faut y aller. Puis dès que vous êtes entré là, ben vous pouvez pas sortir à moins d'avoir des bonnes cartes pour vous en sortir, ou qu'il y a quelqu'un qui vous en sort en tombant sur une autre case, ou si le personnage à l'écran vous en sort. Mais si vous êtes banni, si vous lui répondez, comme le premier personnage que vous voyez, la première cassette, c'est le Seigneur des Clés. Oui. Donc, il faut lui répondre oui, Seigneur des Clés. D'accord. À chaque fois qu'il apparaît. À moins certaines. Des fois, il demande de répondre autre chose à un certain joueur. Mm-hmm. Mais habituellement, c'est ça. Puis là, vous avez des conséquences par rapport à ça. Donc, vous avez ces personnages-là, comme je vous disais. Vous avez 3 personnages, c'est représenté par un pion en croix. L'autre, c'est des pierres tombales. Vous avez un chiffre aussi. Donc, il peut vous appeler par votre couleur. Parce que chaque, évidemment, pion a une couleur différente. Ou aussi par votre chiffre. Donc, il faut être très attentif. Parce que si on répond pas, on est dans la merde. Parce que vous pouvez être dans la merde par rapport à ça, mais vous pouvez manquer aussi des cadeaux qu'il peut vous faire. Okay. Vous offrir une clé, disons, vers la fin du jeu, il peut être très chien, mais il peut être généreux aussi. Mm-hmm. C'est que si vous l'écoutez pas, ben vous pouvez perdre des cadeaux ou vous pouvez tout simplement vous ramasser à la fosse commune. Okay. C'est de valeur que ça a été fait en 91, parce que si ça avait été fait en 2010, il pourrait nous appeler par notre propre nom. Ah ben, la technologie est tellement avancée aujourd'hui. Là. C'est que vous avez ce jeu-là, la première édition était faite en 91 et vous avez trois suites qui venaient avec une nouvelle cassette. Bien sûr. Donc, c'est un des personnages qui est sur la planche qui se retrouve à l'écran. Okay. Le deuxième, qui est sorti en 92, c'est le Baron Samedi, qui est un peu plus un zombie à la Michael Jackson, là, qui nous fait arrêter pour danser. Fait qu'il nous fait perdre du temps juste pour nous danser dans la face. Puis qui est très funky. T'sais, il nous demande est-ce que je vous branche, là, il faut dire oui baron, tout le temps, c'est que ça vient plus mêlant. Deuxième, dans le Atmosphere 3 qui est sorti en 93, c'est Anne de Chantraine, la sorcière. Il faut dire que ça a été redoublé, ça a été pas doublé en fait, ça a été tourné en France, ah. Les versions françaises, okay. C'est que c'est des comédiens français. Anne de Chantraine en 93, donc elle nous demande, il faut lui répondre mea culpa Anne, parce qu'elle s'est fait brûler par les inquisiteurs, donc okay. Et la dernière qui, je trouve, l'expansion la plus complète, sortant en 94, c'est Elizabeth Bathory, la vampire, qui rajoute un petit truc. Les autres, tout ce qu'on a quand on achète les expansions, c'est une nouvelle cassette pour avoir justement les nouveaux personnages. Avec un nouvel acteur qui parle. C'est ça. Puis vous avez des nouvelles cartes temps et des nouvelles cartes chance. Donc, si je comprends bien, il est possible de rejouer avec la même cassette, de se faire du fun quand même, oui. Parce que le plateau et les cartes qu'on pige viennent à changer tout simplement. C'est ça. La façon dont on est placé sur le plateau change d'une partie à l'autre. C'est le seul problème un peu du jeu qu'on a joué souvent. C'est ben ça. Là, ça on peut sait devenir, ce qui s'en vient. Ça peut devenir redondant. Comme là, présentement, là, j'ai joué parce que moi, je me suis racheté la vieille collection cet été sur eBay. Ça n'a pas coûté. La plus chère, c'était la dernière expansion parce qu'elle est plus rare. Je m'en suis sorti pour 120$ environ pour les 4 jeux. C'est pas si mal quand même. Ben, quand tu penses que ça coûte à peu près ça des fois jouer à jeu. Un ouais, jeu, c'est ça c'est aujourd'hui. Ça. Mais là, j'ai joué au premier et au deuxième. Là, je pourrais rejouer au deuxième, ça irait. J'ai pas joué encore aux deux derniers. Mais le premier, ça y va. Là. Je commence à connaître par cœur les interventions. Mais il faut se laisser un temps pour jouer, c'est sûr. Ça n'a pas une valeur de rejouabilité immédiate. Mm-hmm, pas rejouer toutes les semaines avec ses amis, c'est pas comme un risque. On sait jamais ce qui va se repasser. Mm-hmm. Mais vous voyez, on refait des versions. En 2004, ils ont sorti une version, celle du Seigneur des Clés, mais seulement en anglais, par exemple. Ils n'ont pas eu de réédition en français, ce qui est pas évident. On peut comprendre l'anglais, mais. Les réactions sont pas aussi instinctives quand on entend le personnage, puis aussi le fait qu'il faut être très attentif, puis dès qu'on a quelqu'un qui comprend moins bien l'anglais, la dimension interaction est moins longue, donc moins c'est moins intéressant. Mais ils ont sorti une version en 2004 sur DVD, Le Seigneur des Clés, puis ils ont aussi une suite qui est Khufu la momie, qui n'ont jamais pu sortir en VHS parce qu'ils ont arrêté fin des années 90, ils ont arrêté la production parce que ça se vendait plus. Mais au début des milieu des années 2000, ils en ont refait Khufu en 2006 sur DVD. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une version qui peut être plus aléatoire. Vous allez avoir les interventions vont s'interchanger pendant la partie. Donc là, vous avez une valeur de rejouabilité qui est meilleure. Alors, mais toi, la version que tu as rachetée, c'est la version originale, oui, tu oui, ça. Oui, puis, c'est une nostalgie. Là, tu l'as rejoué. C'est quoi ta vision des choses après 20 ans? Là, est-ce que tu as trouvé ça comme. Est-ce que c'est un jeu qui vieillit bien ou vraiment c'en est à cet ordre, tout simplement? Sur VHS, je vous dirais que ça vieillit bien. Le principe du jeu vieillit très bien. C'est très intéressant, surtout pour des gens qui n'ont jamais joué. J'en ai surpris quelques-uns, dont notre ami Andrew qui a joué avec moi. On a beaucoup aimé ça. Ça s'est super bien passé. Mais j'ai fait l'expérience par équipe. Il propose dans le jeu, faire ça par équipe, on était 12. Deux par pion, ne faites jamais ça. Si vous avez le jeu, là, on était 12 dans un petit salon, là. On s'est beaucoup, beaucoup amusé. À un moment donné, on se comprend plus, puis il faut entendre l'intervention, puis on s'ostine sur les règlements. Donc, c'est mieux de s'ostiner à 6 qu'à 12. Ça, je vous le dis tout de suite. Là. Mais c'est moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est sûr que je dirais surtout les deux premières cassettes, là, moins évident, c'est moins beau un peu sur la VHS. C'est pas une question de VHS, mais une question de maquillage, de budget qu'il y avait à l'époque. Puis même le premier, on le sait que c'est un acteur qui s'est pas doublé, mais c'est pas synchrone avec les lèvres. C'est qu'on a l'impression que c'est mal doublé, qu'on est devant un film de série. C'est difficile d'avoir peur quand c'est ça. Mais à notre âge, c'est pas le fait que ça fasse peur, mais c'est plutôt le fait qu'on a une interaction, puis que ça vient perturber le cours du jeu. Mm-hmm. Parce que j'avais des amis qui étaient proches de gagner. Toutes perdu leur clé à 10 minutes de la fin. Ah. C'est des trucs qui peuvent arriver, qui peuvent être assez chiens. Puis on. Quand on est un grand compétiteur, c'est pas toujours le fun de perdre à quelques minutes. Ah non, ça peut être, ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout quand on a fait chier tous nos amis autour de la table là, à vouloir gagner. C'est ça. Et finalement, on perd toutes nos clés. Mais c'est ça, vous avez cette dimension-là. Il faut s'attendre à n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. Excellent. Bien, merci beaucoup, Michael. Tu nous as parlé de Atmosphere, qui est peut-être disponible encore Sur eBay. Je suis retourné voir avant de venir tantôt. Si vous voulez avoir les premières versions, ils sont encore disponibles. Les expansions le sont beaucoup moins. Mais puis il y avait une version aussi qui est sur 195 qui appelle Les Émissaires. Il avait essayé de relancer la série. Pas mauvais, mais beaucoup trop court, je trouve. En une demi-heure, j'avais fini. Ah. Habituellement, celle que j'ai chez nous, c'est maximum 40-45 minutes au moins. Assurez-vous d'avoir un lecteur VHS qui fonctionne encore aussi. Également. Ouais, le mien il a pété il y a 2 semaines, ça fait que je vais être obligé de numériser mes cassettes. Bien, merci beaucoup, Michael Michaud, d'être passé à Puissance Maximale. On va te revoir dans quelques instants. On va te réentendre plutôt dans quelques instants pour parler de ton deuxième thème. On va écouter une pièce de ta sélection, Power Glove. La pièce s'appelle Gotta Catch 'Em All. Oui, une nouvelle version de la toune d'entrée de Pokémon, de la première série de Pokémon. Alors, c'est Power Glove, donc c'est du power metal. Vous allez voir, ça rentre bien. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, et comme à chaque mois, on retrouve Chantal Campagna, alias Fräulein Evil à Montréal, qui va nous parler de sorties de jeux de plateau. Bonjour Chantal! Bonjour François! Alors dis-moi, le temps des fêtes approche, c'est un moment d'ébullition pour le domaine du jeu de plateau. Les gens deviennent fous raides, c'est pire que le Boxing Day. Donc dis-moi, qu'est-ce qui est disponible pour les joueurs avides de joueurs de jeux de plateau? Ben, les joueurs avides et aussi les gens qui se connaissent moins bien. En fait, pour commencer, j'aimerais parler justement de Ludo Outaouais qui s'en vient. C'est un regroupement de joueurs qui font une fin de semaine de jeu. C'est au centre communautaire Tétro, c'est à Hull. Donc, c'est la fin de semaine du 26, 27 et 28 novembre. Donc, pour les gens qui veulent s'initier un peu ou les gens qui veulent se faire une grosse partie de Twilight Imperium débile de 10 heures, c'est un rendez-vous, c'est pas cher, c'est très, très bien organisé, ça vaut vraiment la peine de se déplacer. All right, les Ludo Outaouais. Ludo Outaouais à Hull. Ensuite, j'aimerais aussi souligner que La Chasse aux monstres, le jeu pour enfants de Scorpion Masqué qui est sorti cette année, a gagné le prix du jeu de l'année pour enfants en Belgique. Alors, eux donnent des prix Joker, donc La Chasse aux monstres, c'est mérité le prix d'excellence jeu de l'année en Belgique pour les enfants. Alors, bravo à toute l'équipe de Scorpion Masqué, notre super éditeur québécois qui continue de faire tomber les prix et les frontières. Chapeau! Chapeau. Alors maintenant, nouveauté au Québec sur les étals, tout frais, tout beau. On parle du jeu À la carte. Alors, À la carte, c'est un jeu qui est basé sur la science culinaire. Pour gagner, on doit concocter les meilleures recettes avec le plus d'exactitude possible dans les épices et dans les ingrédients. Il faut évidemment le faire cuire à la bonne température pour éviter de le carboniser. C'est un jeu qui se joue rapidement. On parle d'une heure. C'est extrêmement convivial. Ce qui est vraiment intéressant de ce jeu, c'est le matériel. Alors, dans la boîte, on retrouve des vraies petites marmites, des petits fours pratiquement aussi le fun que les Betty Crocker de notre enfance, des flacons avec des épices, des recettes. Le matériel est de toute beauté, donc pour jouer, mais aussi pour jouer. De toute beauté à partir de 8 ans, deux à quatre jeunes chefs ou grands chefs ou cuisiniers de fin de semaine, peu importe, c'est de toute beauté, à la carte. Donc, à la carte, un jeu où on cuisine pour de vrai. Est-ce qu'il y a quand même des cartes ou des trucs comme ça ou c'est vraiment de la cuisine? Les recettes, c'est du carton. Donc, dans le matériel, on retrouve des fourneaux, des casseroles, des flacons d'épices, mais des ingrédients, des grains de sel, des cartes recettes, des crêpes. Il y a 13 tasses à café, leurs plateaux, des spatules, des plateaux, une poubelle. Et c'est de toute beauté, mais on ne parle pas de matériel organique, malheureusement. Ce n'est que du carton. Mais bon, on peut toujours rêver tout de même. Et sinon, quoi d'autre? Sinon, on parle aussi de l'arrivée d'un autre petit jeu de Bruno Catala, qui est de toute beauté aussi. On parle un peu d'un mélange entre jeu pur et Mao. Essentiellement, c'est un jeu qui se joue rapidement. C'est du 30 minutes de 2 à 4 joueurs. Ça s'appelle Sobek. Et dans Sobek, ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de collectionner le maximum de marchandises pour jouer ensuite des séries de 3 cartes ou des multiples de 3 pour chaque carte. Ce qui est intéressant, c'est que la première carte que l'on prend, elle ne coûte rien. La deuxième, et on va devoir prendre toutes les cartes qui la précèdent et ces cartes-là vont aller dans une pile de corruption. C'est un jeu pour le Parti libéral. Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'actualité qu'on pourrait dire. Oui, c'est un jeu tout à fait d'actualité. Donc, et ces cartes-là, les cartes de corruption, risquent de nous faire perdre des points à la fin de la manche si on ne surveille. En fait, si on fait bosser la limite, si c'est nous qui en avons le plus. Donc, il faut surveiller ce que les autres joueurs vont faire aussi avant de décider de piger la deuxième carte. Donc, des choix difficiles tout le temps, mais de toute beauté. Et les images sont magnifiques. En fait, les images font beaucoup penser aux bandes dessinées Astérix. Donc, c'est très, très beau. Et c'est un Bruno Catala. Donc, on sait tout de suite qu'on va tomber amoureux de ce petit jeu-là. Excellent. Donc, un jeu plus, peut-être, cérébral. Sobek. Sobek, oui. Ensuite, on a reçu aussi Fabula sur les étals. Alors, Fabula, c'est le deuxième jeu de l'auteur de Dixit. Et encore une fois, c'est un jeu qui est basé fortement fortement sur l'imagination. Cette fois, tous les joueurs se retrouvent dans la peau de personnages de contes et dont ils vont devoir raconter une histoire. Le conteur, lui, va gérer l'histoire, donc donner des points finalement au personnage qui a apporté le plus d'originalité dans le conte. Donc, les joueurs vont collectionner les marqueurs plumes. À la fin du tour, le joueur qui en a collectionné le plus se verra récompensé par l'excellence de son histoire. Donc, on parle d'une espèce d'invente-moi une histoire mélangée avec du « il était une fois » parce qu'on est un petit peu plus encadré, mais c'est quand même un jeu qui laisse énormément de liberté pour faire éclore la créativité des joueurs qui participent. Wow! Donc, Fabula, un jeu, le successeur de Dixit, un jeu de contes et de légendes. Oui, exactement. Et pour finir, on attend avec impatience. On sait qu'il est sur le bateau. Il n'est pas encore arrivé, mais tout le monde doit l'attendre de pied ferme. C'est un jeu d'Europe au Pro, de nos Belges au Mexicain, et c'est un jeu qui avait fait beaucoup de bruit à la Gen Con quand il a été présenté, et il a fait beaucoup de bruit à Essen aussi en même temps. Et c'est un jeu qui s'appelle Seven Wonders. Seven Wonders, évidemment, on s'en doute, on essaie de recréer les sept merveilles du monde. On va essayer d'aller chercher des cartes de civilisation, des cartes de science, des cartes de construction, des cartes d'armée, évidemment. Mais la mécanique générale, c'est une mécanique de draft. Donc, on fait circuler un paquet de cartes et les joueurs vont se servir dans ce paquet de cartes. Donc, certaines cartes peuvent revenir plusieurs fois dans la main d'un joueur. Sauf qu'on doit piger une carte et la jouer avant de choisir une nouvelle carte dans un nouveau paquet qui nous arrive. Donc, c'est une mécanique de jeu très, très dynamique. Et on doit surveiller, évidemment, les actions de nos deux voisins immédiats, mais aussi celles de ceux des autres joueurs pour voir quelle carte reviendra et quelle carte ne reviendra pas. Donc, Seven Wonders, de toute beauté, c'est absolument fabuleux. D'ailleurs, c'est Antoine Boza, c'est lui qui nous avait offert Ghost Stories, et c'est lui aussi qui avait collaboré avec Christian Lemay pour nous offrir La Chasse aux Monstres. Donc, Seven Wonders d'Antoine Boza et de Repos Prod. Sur le bateau, à surveiller. Excellent. Les suggestions. Jeu de plateau de Chantal Campagna pour peut-être le temps des fêtes qui s'en vient. Ça va être le moment de sortir son chéquier. Alors, on rappelle simplement les jeux suggérés par Chantal. Seven Wonders, Fabula, Sebec, À la carte et La Chasse aux Monstres. On parle aussi de Ludo Outaouais en fin de semaine le 26, 27, 28 novembre. Donc, Chantal ne travaille plus pour le Valet de cœur. Elle va commencer à son compte et elle va nous donner plus de détails dans les prochaines semaines. Alors, restez bien branchés. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir, François. Donc, on va se voir plus intensément là, d'ici Noël. D'accord. Merci. Ciao, ciao. Bye. Et puis... Très sinon, intéressant. Hein? On a une belle liste d'achats à faire, justement, si on veut s'amuser durant le temps des fêtes. Absolument. Et puis, on retourne en musique. On va écouter une pièce de Donzel. Et la pièce s'appelle Michel. Puis, justement, c'est une pièce qui parle de joueurs de hockey, de Coupe Stanley, tout ça. Alors, dans le contexte dans lequel on est à Québec, là, c'est important qu'on d'avoir des pièces à ce sujet-là. Vous écoutez Puissance Maximale. Glace, tu verses une larme sur la glace, et boum, tu t'effaces. Amoureux, sauf traceur de glace moyen qui agit comme un magicien. Quand t'es la paix des oiseaux, je sors un tour de mon chapeau. Oh Michel, t'es si doux. De retour avec mes comparses de la puissance maximale, Michael et François. Et messieurs et chers auditeurs, bien, il y a une personne que je connais qui m'a parlé d'un site internet dernièrement. Je salue en passant Alexandre qui m'a parlé de ce site-là. Et c'est le www.upitgaming.com. Upit, là, c'est H-U-P-I-T, gaming, dans un seul mot, là, .com. Et Upit, ça veut dire Helping Unite Players into Teams. Donc, c'est un site internet sur lequel on va, on s'inscrit. Et ça nous permet justement de recevoir, d'aller chercher des gamer tags ou des identifications PlayStation Network ou peu importe la console qu'on a ou le PC, par exemple. Et ça nous permet d'avoir des gens, de voir quel jeu ils jouent et d'avoir facilement des gens pour jouer avec nous et former, par exemple, des clans. C'est ce site-là qui a été créé. Et sur le site, justement, il y a l'option pour partager nos noms de joueurs. Il y a des forums sur lesquels on a des commentaires des joueurs, donc des commentaires généraux sur le jeu, des sections vraiment axé sur les jeux, par exemple First Person Shooter, une section Call of Duty, une section Halo, il y a des sections Battlefield, Medal of Honor, il y a des sections MMORPG, RPG tout simplement, RTS, et il y a également des liens sur YouTube. Ils ont un post YouTube, un channel, comme on dit en anglais ou en mauvais français, et c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. Je suis allé voir, puis je trouvais ça quand même intéressant. Au début, je me suis dit, bon, ça va être plus facile de créer mes équipes quand que je vais jouer, par exemple, à un first-person shooter sur Internet. Call of Duty, qui est, vous le savez tous, vraiment ce que je joue vraiment beaucoup. Et même que, ben, en lisant un peu sur les forums et tout ça, il y avait des commentaires de gens qui disaient, enfin, je peux me faire une équipe pour battre tout le monde. Et ça m'a comme amené à réfléchir sur le but de ce site-là, finalement. Est-ce qu'on joue pour s'amuser ou on joue vraiment pour gagner? On parlait de compétitivité tantôt, quand tu, Michael, tu parlais de ton jeu. Et ça m'a mis à réfléchir à ça. C'est certain que moi, quand je joue à first-person shooter ou quand je joue à un jeu en ligne, justement, où il y a de la compétition un contre l'autre ou parfois même on est en équipe contre d'autres, c'est sûr que je veux pas que mon ratio de victoire-défaite descende. Puis c'est certain qu'en dedans, je veux les gagner toutes les games, les parties. Mais il me semble qu'également, il y a le côté ludique au jeu, là, le côté amusement, côté je sors de ma vie ou je sors de ce qui se passe autour de moi pendant quelques minutes, quelques heures. Il me semble que ça vient tout enlever au jeu, justement, de dire je vais me former une équipe avec ces gens-là. Puis on va être les meilleurs parce que je connais telle aptitude de tel joueur, je connais telle aptitude, puis je vais les sélectionner en fonction de ça. Il me semble qu'il y a une perte également du côté ludique du jeu. Je sais pas ce que tu en penses, Michael. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Surtout que souvent, en tout cas dans le jeu vidéo, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui prennent ça beaucoup trop au sérieux. selon moi, qu'on se ramène justement avec des gens que dès qu'ils vont avoir, disons que c'est des gens très très bons, ils vont arriver, ils vont se faire battre dans un jeu, là ça va être l'apocalypse à la maison parce que là il comprend pas pourquoi il s'est fait, tu vas te faire accuser d'être un cheater parce que t'es meilleur que lui. Il y a trop d'ego des fois dans ces jeux-là. Le site en tant que tel, moi je trouve que c'est une belle initiative justement. Oui. Moi étant le premier, j'ai à peu près 12 amis sur mon PlayStation, il y en a jamais un qui joue. Ben c'est ça, on joue pas au même jeu. C'est pas parce qu'on a des amis qui ont la même console que nous que finalement on est intéressé par les mêmes jeux. C'est une bonne idée, c'est sûr que ça va amener ça parce que peu importe ce qu'on va faire, que ce soit dans n'importe quel jeu, MMORPG ou disons, dès qu'on arrive sur le jeu en ligne, en équipe ou en coop ou un contre l'autre, c'est sûr qu'ils vont en avoir tout le temps, qu'ils vont s'arranger pour pouvoir péter la gueule à tout le monde. Oui, puis à se faire leur fun, puis à couper ça aux autres. C'est-tu quoi? Moi, j'aime autant mieux rencontrer un gars qui a des niveaux beaucoup plus élevés que moi, puis qui me bat parce que, oui, il a joué longtemps, puis un gars ou une fille, là, finalement, là, ça n'a plus de mon importance. Et il me bat parce que, par exemple, je sais pas, moi, le top des niveaux, c'est 70, il est rendu à 69, puis moi, je suis rendu seulement à 23. C'est normal que peut-être qu'il va avoir des aptitudes un petit peu plus... des aptitudes meilleures que les miennes. Sauf que j'aime autant mieux me faire battre par lui que de me faire battre par une gang de 6 dans leur équipe qui ont toutes le même nom de code, puis qu'on sait que autres, la seule chose qu'ils font, c'est que leur tactique, ils se plantent à différentes places sur la carte, puis ils monde, bougent pas. Ouais. Non, c'est sûr, dans les jeux de shooter, ça, c'est un truc qui date. Regarde, depuis que je joue dans le temps, moi, je jouais de la pocatière, là, on avait réussi à avoir une petite place pour jouer, puis j'avais commencé à jouer justement à Delta Force, le premier, puis dès que tu fais un sniper, tu te fais traiter de camper, puis tu peux pas bouger, il faut que tu bouges. Ils ont quand même raison. Ben, ils ont raison, mais un sniper. Non, mais c'est ça, en même temps, c'est ça. Mais tu sais, il y a toujours eu ça de. Il y en a qui utilisent des aptitudes qu'ils ont en jeu au maximum, ce qui fait qu'ils sont très très bons, qui sont pourris ailleurs pour faire d'autres choses, mais ils réussissent à clencher tout le monde. Puis après ça, les autres sont soit jaloux, soit tannés de se faire battre de la même façon. C'est un sentiment légitime, mais c'est toujours... Cette ligne-là est quand même difficile à tracer de plus en plus, je trouve, dans le jeu. Surtout dans le jeu vidéo, parce que c'est rapide, on a accès à tout plein d'autres joueurs qui peuvent être très bons. Oui. Dans le jeu, ben, on connaît des cas de jeux de rôle aussi sur table de donjon. Il y avait des joueurs beaucoup, beaucoup, beaucoup trop crinqués. Oui. Même des cas aux États-Unis où des gens qui se sont même suicidés à la suite de la mort d'un de leurs personnages. Là. Je te comprends totalement dans ce que tu dis. Ouais, ben, parce qu'au niveau du jeu vidéo, franchement, c'est certain que... Moi, je trouve ça difficile. Tu essaies toujours de monter tes niveaux, puis à un moment donné, tu atteins un niveau supérieur. Depuis qu'on a justement les fameuses statistiques qui sont disponibles pour tous les joueurs, finalement, toi, ton but, c'est d'être peut-être le meilleur que ton ami au niveau justement du ratio gain-défaite ou du ratio mort par rapport au kill que tu fais, dépendant du jeu que tu joues. C'est certain qu'on essaie d'être le meilleur de notre liste, mais il ne faut pas oublier non plus que le jeu, reste un jeu, c'est ça. Le but, c'est de s'amuser. En tout cas, je vous parlais de www.upitgaming.com, upitgaming.com. Ça vaut peut-être la peine que vous alliez voir sur ce site internet-là si jamais vous êtes intéressé à former des équipes. Et rapidement, je vous parle de Kinect Joyride que j'ai essayé il y a 2 semaines de cela, qui est un des jeux qui est sorti avec Kinect le 4 novembre dernier. C'est publié par Microsoft, développé par Big Part Incorporated. C'est un jeu de course qui se fait de 1 à 8 joueurs. Bien sûr, 8 joueurs jusqu'à 8, c'est quand on est rendu sur Internet. Il se détaille à 49,99. On a différents modes de course. Il y a la course normale, donc on a des circuits, on fait seulement avancer sur les circuits. Il y a le mode bataille qui ressemble un peu plus à Mario Kart ou à Mod Nation, dans lequel on peut prendre différents objets et les lancer vers nos concurrents. Il y a le mode cascade, quand même intéressant, où on peut, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais on peut aller chercher des points là-dessus, et bien sûr le mode en ligne. Le but dans les différentes courses, c'est d'avoir des fans, de plus en plus de fans, dépendant des types de cascades qu'on fait en conduisant la voiture. Et plus on a de fans, plus on débloque de nouveaux circuits et de nouvelles voitures. Malheureusement, ben les circuits sont intéressants. Les voitures, en tant que telles, sont les mêmes à la base. Il n'y a pas d'option plus grande ou moins grande d'une voiture à l'autre. C'est simplement le modèle qui change. Donc, bon, bien sûr, c'est un jeu de course qui roule tout le temps. On n'a pas d'accélération. La semaine passée, on parlait justement de jeu de Sonic, mais c'est le même type. Donc, l'accélération est normale. On peut avoir des boosts qui se font, mais sans plus. Et ce que j'ai trouvé intéressant, bon, bien sûr, au niveau de la jouabilité, Kinect reconnaît notre corps, reconnaît nos deux mains qu'on doit mettre vers l'avant, comme si on conduisait, comme si on avait un volant entre les mains, et on n'a rien du tout. Ce qui est un petit peu difficile, c'est justement c'est qu'on commence avec un petit volant, puis des fois, on a les mains un petit peu plus ouvertes. Donc, peut-être qu'on perd un petit peu de contrôle. Là. Il me semble qu'on a tendance, quand on dérape moins, à ouvrir justement les mains, puis peut-être que ça l'aide pas au jeu. Un petit côté difficile là-dessus. Mais ce que j'ai bien aimé au niveau de la reconnaissance du Kinect là-dedans, oui, bien sûr, au niveau de la jouabilité, je vous parlais du volant qu'on tient, un volant imaginaire qu'on a. On peut reculer notre corps vers l'arrière et le pousser vers l'avant pour avoir de la puissance. Ce qui donne la seule puissance que la voiture peut avoir. Ou on peut mettre notre corps, quand on fait des sauts en course, mettre notre corps vers l'arrière pour faire un backflip, mettre notre corps vers l'avant pour faire un front flip, mettre nos mains vers la droite ou vers la gauche pour tourner la voiture de gauche à droite, donc dans un flat spin qu'ils appellent, okay. De gauche à droite. C'est quand même intéressant. Moi, de ce que j'ai vu, ça répondait bien à toutes les fois. Je sais que c'est pas pour tout le monde que ça a fonctionné, mais moi, la distance que j'avais, je gardais la bonne distance, ça allait très bien. J'ai bien aimé aussi la reconnaissance des couleurs de Kinect. Par exemple, tu veux changer la couleur de ta voiture, tu peux choisir des couleurs toi-même avec tes mains, mais tu peux, devant la caméra, mettre un objet de couleur. Ah ouais? Et j'avais un coussin sur mon divan, je prends le coussin qui est rouge, ligné noir, et la voiture était rouge, ligné noir. Pareil, il y avait une reconnaissance de couleur qui était quand même pas pire. Là, je veux dire, on passe pas deux heures à changer la couleur des voitures et à dire « Ah, oh, wow, j'ai quelque chose dans ma chambre, on y va. » Non, mais quand même, l'option était quand même intéressante. J'ai trouvé ça bien. Donc, au niveau des courses, je vous disais, bon, la course normale, ça se fait super bien. La bataille, je vous ai expliqué c'est quoi. Qu'est-ce que c'est les cascades? Il y a différents modes cascades, dont un justement qu'on est comme sur une demi-lune de planche à neige. Oh oui. Et le but, c'est d'aller le plus haut possible pour ramasser des objets, des points qui nous permettent d'accumuler justement encore là des fans et faire différentes, quand on est dans les airs, faire différentes cascades de gauche à droite, comme je vous expliquais tout à l'heure, en tournant et revenir comme il faut pour reprendre la prochaine pente en face. Et c'est quand même intéressant. Il y a également des courses à obstacles, des courses à relais. On doit, dans la course, aller, faire tomber deux statues, continuer à aller faire tomber une statue finale. C'est quand même bien. Et les couleurs, c'est vraiment impressionnant. C'est très beau comme jeu. Un peu cartooné, un peu, mais c'est quand même très bien, très coloré graphiquement. Moi, c'est un jeu que j'ai... malheureusement, ben, pour ce qui est du côté en ligne, quand je l'ai essayé la première fin de semaine, j'ai trouvé une personne. Okay, ouais. J'étais en ligne et il n'y avait pas personne. Puis là, j'essayais. Bon, je vais aller jouer un petit peu le mode régulier. Je revenais, oups, il y a quelqu'un. Je dis, bon, faire une course à deux. Non, la personne s'en allait. Donc, la première fin de semaine, je ne l'ai pas réessayé depuis ce temps-là, mais la première fin de semaine, pas grand monde qui était branché en ligne. Je ne sais pas ce que ça donne, malheureusement. J'aurais peut-être la chance de vous en reparler plus tard. Donc, Kinect Joyride, qui n'est pas la révélation de l'année, mais qui est un jeu intéressant. Moi, je vous conseille de vous louer. Si vous avez Kinect, louez-le avant. Et qui reconnaît les couleurs. Oui, il reconnaît les couleurs. Alors, louez-le avant et on verra, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Merci Vincent. Ça fait plaisir. Kinect Joyride. Oh, mais qu'entends-je? Eh oui, François qui nous fait une petite surprise, c'est la musique du concours. Eh oui, les gens qui appellent 529-9026 vont gagner instantanément un certificat cadeau pour le Tagball, Delirium Tagball situé sur Saint-Vallier. Donc c'est un certificat cadeau qui vous permet de jouer pendant deux heures complètement gratis. Et ça, c'est un cadeau de Élie Gauthier de Génération Gaming. Donc, deux heures au Delirium Tagball, 529-9026, 529-9026. Sinon, ben, on va écouter une pièce et on va revenir tout de suite après. La pièce, ça va être du groupe montréalais Philly and the Flops. Et la pièce s'appelle Devil in Disguise. You're that just Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et de retour, et on salue Marie-Ève qui a remporté le prix d'aujourd'hui chez Delirium Tagball. Et on continue avec Michael de nouveau. Oui. Avec un jeu qui s'appelle Mountain Blade, un jeu qui n'est pas récent quand même. Mountain Blade. Oui, un jeu qui est sorti en 2008 par les studios Tale Worlds, qui est un studio turc. En fait, c'est deux personnes, un homme et sa femme, qui ont créé ce jeu-là, puis finalement, ils se sont fondés un studio pour pouvoir le commercialiser. Un jeu turc, c'est assez rare qu'on entend parler de jeu turc. Ouais, mais c'est un bon... En tout cas, moi, à mon sens, c'est un très bon jeu. C'est un jeu de gestion et de combat médiéval. Vous êtes catapulté, en tout cas, dans la première version, dans Mountain Blade, vous êtes catapulté dans un monde médiéval, dans le monde qui s'appelle Caladria. C'est tout à fait fictif. Et il n'y a aucun élément de fantasy. Et on s'entend que Caladria s'écrit avec un K. Même pas avec un C dans cette version-là. Mais il y a plein de noms avec des G puis avec des K. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes et de villages. La map est immense. Et en fait, c'est de la gestion, de gestion d'armée et aussi donc de combat et de gestion de territoire. C'est que vous avez 5 factions que vous pouvez incarner. Alors, en fait, vous pouvez être indépendant, ne pas porter allégeance à un roi. Et comme ça, vous montez une gang de mercenaires ou vous faites votre propre royaume, ce qui est plus difficile parce que les autres royaumes n'aiment pas ça. Ouais, c'est ça. On a un peu moins de facilité à ce moment-là. C'est ça, vous allez avoir moins. Vous n'aurez pas d'aide des autres. Alors, si vous portez allégeance à un roi, ben là, vous faites partie de cette gang-là. Vous allez avoir accès à des unités plus facilement, des unités souvent plus fortes. Et aussi, vous allez avoir de l'aide de vos amis, des autres seigneurs de ce royaume-là. Et sûrement des ressources, j'imagine. Oui, ben, je vais vous parler de ça. En fait, les premiers cas, les 4 factions que vous avez les Kergites, qui sont un peu les Mongols. Vous avez, c'est des cavaliers, surtout des archers. Vous avez les Nords, qui sont des Vikings. Et les 3 autres, ça ressemble vraiment plus à du chevalier à l'européenne, style français, allemand, espagnol, de l'anglais. Donc, c'est les Rodok, les Swedians et les Vegiers. Donc, vous avez ces 5 factions-là. Vous devez créer votre personnage avec des skills de combat personnel, parce que la façon que c'est fait, c'est que vous avez de la gestion à faire, mais aussi des combats. Mais les combats, c'est pas de la gestion de troupes. Ben, vous pouvez le faire, vous pouvez décider d'envoyer vos troupes, puis de pas vous en mêler, mais votre personnage, vous pouvez l'entraîner au combat, puis vous faites des charges avec votre cavalerie, votre armée. Très, très, très intéressant. C'est un des aspects les plus intéressants. Donc, vous avez de la gestion à faire, mais quand c'est le temps d'arriver au combat, là, vous êtes dans la mêlée avec votre cheval à travers le monde. Vous n'êtes plus capable de bouger parce que vous êtes entouré de fantassins, mais vous tapez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne ou vous réussissez à vous faufiler. C'est que si vous rentrez vraiment dans le feu d'action, ce qui peut justement différencier de certains autres jeux de stratégie médiévale là, pour les armées, mais là, vous êtes dans le feu de l'action. Puis vous pouvez diriger ou faire donner des ordres à vos archers. Donc, archers avancés, dès qu'ils vont avoir de l'ennemi, ils vont tirer. Après ça, vous enviez vos fantassins, puis vous suivez avec votre cavalerie. Ou c'est finalement, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire à tout le monde d'avancer en même temps. Et c'est ça, vous avez ces 3 types-là, les fantassins, les archers, la cavalerie. Mais il y a différents types de sous-unités dans chaque type. C'est énorme. Chaque faction a ses types, a ses forces. Donc, disons que vous faites des cavaliers, vous voulez attaquer. Si vous avez des lanciers devant vous, ça va être plus compliqué. Donc, beaucoup de stratégies, création du personnage, gestion des armées, ça prend de la bouffe pour vos armées, pour avoir un meilleur moral, pour qu'ils puissent combattre, vous suivre, pas perdre personne. Les territoires, gestion de votre perso. Il y a beaucoup de modes qui sont sortis sur Internet, des modifications. Puis, il y a une nouvelle version qui s'appelle Warband, qui est sortie en 2010, qui permet le multiplayer. Seul gros bémol, selon moi, répétitivité des quests. Tout le temps les mêmes quests qui viennent des seigneurs et le graphique est pas très beau. Mais pour un jeu de 2010, c'est vraiment un petit studio indépendant. Ouais. Mais je vous dis, pour l'expérience de gestion puis de combat, ça vaut la peine. Puis il me semble que le premier Mountain Blade est environ à 20$, donc pas très cher. Tu parles d'un jeu qui date de 2008. Mountain Blade, puis la version Warband qui est disponible avec, qui a pas allé jusqu'à 60, je pense, multijoueurs en ligne. Donc des grosses armées qui vont se clasher ensemble. C'est un peu plus cher, je me rappelle bien. Donc on parle d'un jeu PC. Oui, PC. Est-ce que ça demande une grosse machine pour rouler ça? Vous allez voir, la seule affaire qu'il pourrait demander, c'est plus il y a d'unités, plus ça demande à la machine. Mais les graphiques, comme je vous dis, c'est son gros point faible, donc ça aide pour runner tout ça. Excellent. Donc, Mountain Blade. Yes. Sinon, merci beaucoup, Michael. Et on en est à la fin de l'émission. Déjà. déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui, en ce 15 novembre 2010. Le temps de remercier bien nos collaborateurs, Chantal Campagna, qui nous a parlé de jeux de plateau aujourd'hui. Également, ben, Michael Michaud, qui est avec nous aujourd'hui. Salut et à la prochaine. On est bien content de t'avoir avec nous, Michael. Merci beaucoup. François à la console, merci beaucoup. Vincent Langlois à l'animation. Ça me fait plaisir. Et on... À la semaine prochaine, ben sinon, oui. Ben, on va souhaiter que cette fois, sur puissancemaximale.com, vous allez pouvoir retrouver l'émission. On l'espère. Ça devrait s'arranger dans, en fin de compte, dans les prochains jours. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. De jeu. Salut tout le monde, ici Michel Lemelin. Tous les lundis de 13 à 15 heures, il me fait plaisir de vous